gerber. Parler pour ne rien dire, c'est comme en politique. Pour faire passer l'ardoise, c'est toujours très pratique. C'est pas parce qu'elle est moche qu'elle joue comme un pou, mais sa face de lycanthrope, personne n'en est jaloux. C'est vrai qu'avec l'Esters, on a fait la stéréo. C'est aussi agréable qu'un but à météo. Tout ça, c'est pas rien. Tout ça, c'est pas rien. Tout ça, c'est pas rien. Tout ça, c'est pas rien. Juste une nain, quand elle tient sa raquette, on dirait qu'elle tient une mitraillette. Mauresmo Williams n'ont qu'à bien se tenir, car pour gagner le flic, elle est prête à mourir.